La méditation du souffle est une méditation qui vous permet de replacer votre esprit là où se trouve votre corps. Commencez par vous installer confortablement, bougez légèrement de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière, afin de trouver votre juste équilibre. Adoptez ainsi une posture digne et confortable. Je vous suggère de laisser de côté tout jugement. Posez simplement un regard curieux et bienveillant sur tout ce qui se passe dans votre corps. Je vous invite à prendre trois grandes inspirations, profondes, lentes, et à pousser chaque expiration le plus loin possible. Remarquez comme votre corps se relâche à chaque expiration. Votre dos, vos épaules, les muscles de votre front, votre mâchoire. Chaque expiration vous permet d'évacuer toutes ces petites tensions que vous ne remarquiez peut-être même plus. Laissez désormais votre respiration reprendre son rythme naturel, sans essayer de la modifier ou de la contrôler. Laissez-la juste être. Faites confiance à votre corps, il sait comment respirer. Essayez de ressentir à quel endroit vous percevez le plus distinctement votre souffle. Peut-être au niveau de votre poitrine et de votre cage thoracique qui se déploie et se rétracte à chaque respiration. Ou encore au niveau de votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Mais aussi au niveau de votre nez, de votre narine, de votre gorge. Si vous éprouvez des difficultés, posez une main sur votre ventre et sentez comme elle monte et elle redescend à chaque respiration. Si votre esprit s'échappe ou vagabonde, acceptez-le, rassurez-vous, c'est parfaitement normal et inévitable. Dès que vous avez réalisé que vous avez été distrait, notez simplement l'endroit où votre esprit a essayé de vous emmener. Et ramenez votre attention doucement vers votre respiration. La respiration est comme un ancrage pour votre attention. Elle vous permettra de revenir toujours à l'essentiel durant cette méditation. Votre corps est spacieux et votre respiration l'emplit tout entier. Observez votre souffle. Notez, moment après moment, comme vos respirations sont toutes différentes, éphémères, longues, courtes, profondes, légères. Laissez-vous bercer par votre souffle comme une barque à la surface de l'eau. Observez le mouvement de l'air, le chemin qu'il parcourt dans vos narines, dans votre gorge, la différence de température entre l'air plus frais qui entre dans vos narines et l'air plus tiède qui en ressort. Laissez votre souffle exister comme il le désire. Et si vous vous apercevez que vous avez été distrait, que votre esprit s'est échappé, rassurez-vous et n'oubliez pas, c'est inévitable et c'est naturel. Revenez simplement à votre respiration. Inspiration après expiration, moment après moment. L'inspiration la plus importante est celle qui a lieu maintenant. Vous lâchez le passé, la respiration précédente. Vous lâchez le futur et la respiration suivante. Vous êtes dans le moment présent. Dans celui-ci. Puis dans celui-ci. Et si une fois de plus vous réalisez que votre attention vagabonde, raccrochez-vous à votre respiration. Lorsque la cloche retentira, vous quitterez doucement cet instant. Pour reprendre conscience de votre présence ici dans cette pièce. Mais vous ne quitterez pas votre respiration qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez lentement les yeux et n'oubliez pas de vous remercier pour cet agréable moment que vous vous êtes accordé.